travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. La nouvelle académicienne Margaret Yourcenar reçoit sur le paquebot Mermoz, où elle est en croisière, un télégramme de félicitations de Valéry Giscard d'Estaing, je vous l'ai dit. C'est vraiment comme un grand événement qu'a été salué l'élection à l'Académie française de Margaret Yourcenar, première femme écrivain assiégée sous la coupole du Quai Conti. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Nous lui devions bien cela. Voilà plus de 20 ans que la voix de Margaret Yourcenar est convoquée, comme elle vient de l'être à l'instant, à la fin du générique de notre émission, pour affirmer l'intérêt que présentent les multiples rapprochements qu'il est loisible de faire entre le présent et le passé. Donc nous allons parler d'elle ce matin. Et ce sera avec d'autant plus d'élan qu'elle n'a guère cessé, parmi tous les nombreux commentaires qu'elle a donnés de son œuvre, de la situer délibérément à la rencontre des chroniques anciennes et de ce qui était de son temps. Ses nombreux entretiens dans les journaux, à la radio ou à la télévision en gardent la trace vivante. Elle s'est voulue, je la cite, « romancière historienne ». Autrement dit, je la cite encore, « un pied dans l'érudition, l'autre dans la magie qui consiste à se transporter en pensée à l'intérieur de quelqu'un d'autrefois à partir d'aujourd'hui ». De cette détermination, ses livres témoignent à profusion, au premier rang desquels flamboient les mémoires d'Adrien pour l'Antiquité romaine et l'œuvre au noir pour la Renaissance, mais aussi ses nouvelles, ses mémoires et ses multiples essais. Henriette Levillain, professeure émérite de littérature comparée à Paris-Sorbonne, a signé, voici quelques années, un livre précieux, un livre limpide sur Margaret Yourcenar. Je vais donc la prier d'éclairer, sous l'angle qui est le nôtre, cet itinéraire personnel et ce destin dans les lettres. Sans nous interdire, bien sûr, en second rebond, 34 ans après sa mort, de nous demander quelle peut être l'actualité de son regard quant à notre monde en tumulte, quant à la nature mise en péril, quant à la condition des femmes, quant aux mœurs littéraires ou encore aux pratiques du pouvoir politique lorsqu'il se déploie selon tous ses avatars. J'ai toujours l'impression que la différence que nous faisons entre le passé et le présent est un peu superficiel. Il est très intéressant pour nous de regarder vivre les gens d'une autre époque pour voir comment ils ont solutionné ou pas solutionné leurs problèmes et à quel point ces problèmes étaient différents ou au contraire, comme il arrive souvent, ressemblaient aux nôtres. L'œuvre au noir, c'était un terme d'alchimie, et l'alchimie est une chose dont on s'est beaucoup moqué entre le 18e et le 19e siècle. Mais maintenant que la chimie de nos jours ressemble tellement à l'alchimie dans ses grands projets pour transformer le monde, nous nous intéressons davantage à ces savants qui avaient des intuitions qui ressemblait beaucoup à celle de la science de notre époque. J'ai commencé le livre qui allait devenir l'œuvre noire de très bonne heure en regardant de vieux papiers de famille, parce que j'appartiens moi-même à la Flandre française qui a beaucoup d'attaches avec le pays de Zénon. Et j'ai rêvé de ce personnage et je l'ai créé peu à peu. C'est en somme une création de mon imagination, mais soutenue par des documents du temps. Alors, quand nous voyons, j'espère enfin, que quand nous voyons Zénon tâcher d'apprendre de faux papiers pour s'enfuir vers l'Angleterre et être découragé, désespéré, parce qu'il sent qu'il y a des gens qui abusent de la situation et qui veulent profiter de la misère des réfugiés, ou bien quand il a peur tout d'un coup de ne pas résister à la torture et aux interrogatoires, et qu'il pense qu'il vaut mieux mourir avant de se laisser détruire par une situation trop dure, vraiment, pour sa constitution. Je crois que nous comprenons tous beaucoup mieux ces situations-là, parce que malheureusement, elles sont si souvent produites de notre temps. Henriette Levillain, bonjour. Bonjour. Je suis sûr que vous avez reconnu la voix de Marguerite Yourcenar, que nous entendrons abondamment pendant cette conversation. Elle est interviewée ici à l'occasion du prix Femina, qui lui a été décerné pour l'œuvre au noir le 1er décembre 1968. Les thèmes sont là. Les thèmes sont là, la voix est là. Et je pense que les auditeurs sont certainement très, très fascinés, très étonnés par ce timbre de voix qui, moi, chaque fois que je l'écoute, m'étonne aussi. C'est une voix qui vient d'un autre monde, je dirais, d'un autre monde social, d'abord. Marguerite Yourcenar nous a fréquemment dit qu'elle venait d'un monde aristocratique de Flandre, et je pense qu'elle a transporté avec elle, partout où elle est allée, cet accent, osons le dire, un peu snob. On a recueilli ses interviews après sa mort sous le titre « Portrait d'une voix » chez Gallimard. Oui, c'est « Portrait d'une voix », mais une voix qui est très difficile à identifier, je trouve. Parce qu'il y a cet accent quand même snob. Moi, je pensais que ce n'est que snob. Et en entendant le petit extrait là, que vous avez fait passer, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi des intonations américaines. Par moments, elle a une façon de ne pas d'éluder un peu les R, par exemple, qui est assez anglaise ou anglo-saxonne. Et je me dis qu'elle a peut-être appris, à force de vivre là-bas aussi, une sorte de timbre et d'accent différent. Je suis étonné à propos de cela qu'elle dit « solutionner », elle qui a un langage tellement soutenu, c'est un mot qui est malvenu. Mais vous savez, dans les mémoires, à la fin, elle a de temps en temps des écarts de langage que j'apprécie beaucoup, qui montrent qu'elle est parfaitement capable de connaître le langage un peu moins savant que celui qu'elle emploie d'habitude. Donc il y a ce timbre de voix que l'on entendra le jour de sa réception à l'Académie française et qui stupéfiera les gens. Et puis il y a aussi ce qu'elle dit, le fond. Et cette idée que plus on va loin, plus on est à distance, comme le dit d'ailleurs, plus on recule, comme le dit votre générique, hein, plus on creuse finalement le présent, je trouve que c'est quand même très intéressant. Et ce goût qu'elle a des archives n'est intéressant que parce qu'elle aime les revivre au présent. C'est vous qui dites dans votre livre que constamment elle rapproche le passé du présent, qu'elle a une vision intemporelle de l'histoire. Je cite encore, elle dit à un moment donné, 2 douzaines de paires de mains décharnées, quelques 25 vieillards suffiraient pour établir un contact ininterrompu entre Adrien et nous. Oui, parce qu'en fait, elle est à la fois archiviste et imaginative. Et quand on est dans l'imagination, en fait, on est aussi dans la sympathie. Et ce qu'elle aime, c'est finalement à la fois creuser la vérité d'un personnage dans son passé et en même temps le rapprocher d'elle par la sympathie. Et elle emploie d'ailleurs le mot sympathie très fréquemment en montrant qu'elle va même jusqu'à la télépathie. C'est-à-dire qu'elle va aller jusqu'à sentir la joie, la souffrance d'un personnage et en faire finalement son compagnon. Donc elle le rapproche forcément du présent par la même. Et dans ses mémoires, vous nous dites que vous voyez une démonstration que tout est lié dans le temps et dans l'espace, une confrontation du passé et du présent. On y est toujours. On est toujours, et ce qu'elle aime, je pense, c'est précisément filtrer le passé pour essayer de le rapprocher du présent. Il y a tout un travail très élaboré chez elle, au sens évidemment historique, à savoir entendre le passé, le rendre tout à fait présent à nos oreilles et à nos sens. Mais quand elle est dans ses mémoires, c'est essayer de trouver dans le passé des archives familiales ce qui lui permet de vivre, elle, au présent. Si vous prenez par exemple le grand recueil de mémoires qui sont le labyrinthe du monde, que pour moi peut-être ce qui est le plus beau de Yourcenar, ce qu'elle va chercher, c'est parmi ses ancêtres ceux avec lesquels elle se sent en phase, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à sa vraie généalogie de femme imaginative et romancière. On peut noter que ce dernier volume de ses mémoires, « Quoi, l'éternité » est inachevé. D'ailleurs, comme l'éternité elle-même est inachevée. Il est inachevé, et ce qui est le plus intéressant de cela, c'est qu'en fait, c'est la partie de ses mémoires où elle annonçait qu'elle allait enfin parler d'elle. Elle serait à 15 ans. Dans le tout premier souvenir pieux, elle évoque « Mon noir » et donc « Elle » jusqu'à 10 ans. Dans « Quoi, l'éternité » elle recommence, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout, comme si la mort était venue à temps. Mon noir, c'est la maison de ses ancêtres. Voilà, mon noir, c'est vraiment le lieu de ses ancêtres et en même temps le lieu sur lequel elle greffe toute son imagination de sa famille à l'époque où elle avait entre 2 mois et 10 ans. Alors il est temps, Henriette Lévillain, que nous évoquions le creuset d'où est sortie sa personnalité, qui est assez singulier. Alors sa famille est à la fois belge, puisque sa mère est wallonne, et elle est née à Bruxelles, et en même temps, mais c'est très très près en distance géographique, sa famille est d'une aristocratie française. Son père. Son père, évidemment Crayancourt, qui est son vrai nom de naissance, Crayancourt. Donc elle appartient finalement, je dirais, au même type d'aristocratie, qu'elle soit belge ou française. De ce double creuset, elle retiendra surtout les ancêtres Crayancourt, parce qu'elle va y chercher, bien entendu, ce qu'elle déteste le plus dans l'aristocratie, et en même temps sauver certains de ses membres en considérant qu'ils auraient pu devenir des personnages importants si on leur avait laissé la liberté de l'être. Mais que les conventions étaient telles dans ces familles qu'on ne les a pas laissés vivre. Et elle va prendre dans ses nombreux ancêtres 2 ancêtres qu'elle admire particulièrement, qui sont Octave, le frère d'Octave. Et Octave est un homme de lettres. Il a d'ailleurs des relations avec Baudelaire, mais il n'a jamais pu développer son imagination comme il aurait dû l'être. Et son frère, en revanche, lui va être englué dans son milieu alors que c'est un rebelle. Et il va finir désespéré, ne pouvant pas épanouir sa vraie personnalité en se suicidant. Et le suicide de ce frère affecte énormément Octave, qui ne le comprend pas, et affecte énormément Marguerite, qui voit bien qu'il y avait des impasses dans ce milieu. Est-ce que l'on pourrait dire qu'au fond, elle appartient à une aristocratie qui connaît un déclin après la Grande Guerre, avec le sentiment d'une désuétude qui n'est pas sans marquer son œuvre? Je pense que son intelligence est tellement supérieure, évidemment, à tout ce qu'elle a reçu, même à l'intelligence de son père, qui est certainement très, très forte, qu'elle a le sentiment qu'il fallait s'arracher à tout cela pour devenir vraiment quelqu'un qu'elle considère important. Alors son père est une personnalité fondamentale, de fait, dans la vie de Marguerite Yourcenar. Écoutez donc ce qu'elle en dit à Jean Montalbetti le 21 novembre 1977 dans l'Invité du lundi sur France Culture. Mon père me paraissait un personnage très important, j'avais pour lui beaucoup de respect. Oui, je l'aimais beaucoup, à peu près comme mes chiens m'aiment. C'est-à-dire que j'étais très content quand je le voyais entrer, que j'attendais un gâteau ou un biscuit de temps en temps, que je voulais lui montrer de l'affection ou de la gentillesse, et encore pas beaucoup. Les rapports étaient tout de même assez distants. Mais ce n'était pas du tout cette affection pour le père, comme on l'imagine dans les romans sur l'enfance et sur l'adolescence, tel qu'on en a abusé de nos jours. Je crois que l'enfant garde beaucoup plus qu'on ne croit son quant à soi. C'est plus tard, en réfléchissant à lui, que je me suis dit, oui, il était très bien, c'était un ami. Je crois que ce n'est pas du tout unique, d'ailleurs, dans mon cas. Monterland a décrit le fait qu'il y a un passage quelconque d'un de ses livres dans lequel il dit « Je suis sûr que mon père m'aimait ». Et pourtant, il m'embrassait le soir, un baiser de routine que je lui rendais, c'est... Mais de mon côté, c'était aussi un baiser de routine. C'est exactement mon impression. Je ne sais pas si ça tient à un certain type de famille française, mais en tout cas, les rapports avec l'enfant étaient, comment dirais-je, austères. L'analyse mérite peut-être d'être analysée, Henriette Lévillain. C'est un très grand vivant, disait-elle de son père. Oui, sur ce plan-là, d'ailleurs, elle a été non seulement analysée, mais psychanalysée. Parce que perdre sa mère et dire après qu'on ne peut pas aimer une mère que l'on n'a jamais connue... Elle est morte à sa naissance. Elle est morte en couche. Dire ensuite, quand elle va dans le cimetière de famille à Soarlet, je ne peux pas avoir d'émotion parce que j'ai traversé Fernande. C'était donc sa mère. Ça interroge. Et évidemment, ça peut aussi un peu choquer par moments. Hein. Et les psychanalystes se sont emparés en disant qu'elle était finalement en quête de mère. Elle-même, on ne dit pas qu'elle ait fait une psychanalyse. Ce n'est pas son genre. Horreur des psychanalystes. Oui. Horreur. Le père pourrait être effectivement un refuge, parce qu'en plus, le père était un rebelle. Il l'a arraché à la famille, à sa propre famille, à sa famille, à sa mère et à son père, de Montnoir. Il l'a emmené très, très jeune et il l'a baladé au travers de ses voyages. Il l'a emmené un peu partout, en Grèce, en France, dans le Midi. Elle restait à l'hôtel. Elle raconte d'ailleurs ça d'une façon assez bouleversante. Dans les chambres d'hôtel, elle savait que son père était allé au casino. Et elle l'attendait avec angoisse parce qu'à 2h du matin, il n'était toujours pas rentré. Bon, il a eu énormément de maîtresses en plus, qu'elle va raconter tout cela. Il est fort cruel en plus avec les femmes avec lesquelles il se trouve. Donc, elle a une relation étrange et en même temps, c'est un dieu pour elle. C'est un dieu parce qu'il a une culture énorme, il l'emmène à la Villa Adriana. C'est sa première expérience de la Villa Adriana. Et le fait qu'elle ait fait cette expérience avec son père n'est pas innocent. À Rome. Près de Rome, exactement, qui est un endroit sublime. La devise du père, c'était « on n'est bien qu'ailleurs ». Le père était effectivement en mouvement tout le temps. S'en fout, on n'est pas d'ici, on s'en ira demain. Autre propos voilà, du père. Voilà, et surtout un horrible dépensier, c'est-à-dire qu'il a quasi ruiné cette famille qui était quand même très aisée, hein, avec son goût du jeu et du casino. Donc, ce sont des sentiments très ambigus qui font que dans le carnet de notes d'Adrien, elle dira « je connais mieux Adrien que mon père ». Ça a beaucoup interrogé les critiques. Ils lui ont dit « mais comment est-ce que vous pouvez dire une chose comme ça ?» Mais je pense qu'elle a parfaitement raison. Elle a été à la fois près de son père sans le connaître. Et elle l'admire. En même temps, elle lui reproche beaucoup de choses. À partir de quoi naît la vocation de Marguerite Yourcenar, sa vocation d'écrivain? Elle a stupéfait Pivot quand il l'a interrogé pour Apostrophe beaucoup plus longtemps, en lui disant j'ai voulu la gloire. Et qu'elle avait marqué sur son passeport profession écrivain, alors qu'elle n'était pas encore. Yourcenar, arrêtons-nous un instant sur ce pseudonyme Y. C'est une anagramme en même temps. Alors, là encore, le père. C'est avec le père qu'elle a trouvé son pseudonyme. Et elle l'a trouvé au moment où elle n'était pas du tout encore profession écrivain. Elle débutait vraiment. Donc c'est très tôt qu'elle a considéré qu'il fallait qu'elle se détache de cette famille Crayencourt en devenant vraiment, avec ce pseudo, écrivain Yourcenar. Et avec ce père, elle s'amuse à mélanger toutes les lettres et à trouver des syllabes qui soient quand même faciles à prononcer. Il faut bien quand même pouvoir le prononcer. Crayencourt n'est déjà pas très facile. Donc, à une lettre près, parce qu'il y a une lettre qui a sauté de Crayencourt, ils sont arrivés tous les deux à trouver ce pseudo qui est beau parce qu'il commence par ce Y. Et pour elle, évidemment, c'est une lettre historique. C'est une lettre antique, Y. Dans le même temps, elle est attachée à l'idée de garder l'essentiel des lettres. Si on compare avec d'autres fameux pseudonymes de notre littérature, ouais. Stendhal, Georges Sand, rien de tel. Non, c'est pas une rebelle. Ça, c'est très juste. Elle s'inscrit vraiment dans une généalogie, tout en considérant qu'il faut se mettre à distance. C'est toujours cette idée de... on comprend par la sympathie en se mettant à distance. Donc, il fallait qu'elle permute quelque chose pour mieux comprendre. C'est inconscient de ses rapports avec le temps, d'ailleurs, avec le passé. C'est exactement. Comme avec l'espace. Par exemple, elle va travailler sur Adrien, et est-ce qu'elle le savait à l'époque ou est-ce qu'elle ne le savait pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle découvre avec plaisir dans sa généalogie qu'elle a ce nom Adrianson, qui veut dire fils d'Adrien. Donc elle est en quelque sorte un peu la fille d'Adrien. Ces années 20, ce sont celles du début de sa vocation, très jeune. Ses premiers livres qui n'ont pas encore, beaucoup de rayonnement, mais qui marquent une détermination à peu près farouche. Ce n'est pas les plus grands livres, parce qu'en fait, elle est encore terriblement sous influence. Alexis ou le traité du vin combat. Alexis ou le traité du vin combat, pour lequel elle va recevoir son premier contrat, ce qui pour elle est absolument magnifique. Elle le raconte d'une façon d'ailleurs très romanesque. Oui, mais l'aristocrate ne la dépense pas, enfin autrement qu'en achetant un vase bleu de Lalique, c'est bien voilà, ça. Voilà, bravo. Oui, c'est ça, exactement. Et un jour de ciel très bleu aussi. C'est très beau ce récit, où elle montre que précisément, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse, c'est la gloire, c'est la gloire. Et Alexis, qui est un roman qui raconte comment un jeune époux découvre son homosexualité et écrit une longue lettre à sa femme pour s'avouer homosexuel, est tout de même un récit qui est sous influence de Gide. Et même l'écriture est très, très, très marquée par Gide. Gide et Madeleine. Et Gide et Madeleine, exactement. Donc, pour moi, ce n'est pas un roman très original, mais il a beaucoup plu. Il a beaucoup plu parce qu'on était quand même dans cette époque gidienne et que cela paraît une confession qui va jusqu'au bout des choses. Ses premières amours sont d'ailleurs tumultueuses, et précisément se portent vers un intellectuel homosexuel. Le premier de ses amours, effectivement... André Frégnaud. Voilà. Ce qui fait qu'évidemment, il n'a pas eu beaucoup d'attention à elle, ce qui l'a bouleversée, d'où le roman, je ne sais pas comment l'appeler, l'essai qui s'appelle Feu, où elle montre à la fois son désespoir. C'est le seul récit, d'ailleurs, où elle s'avoue un peu, carrément, à la première personne, mais qu'elle elle entrelace ses aveux de petits récits mythologiques en montrant que finalement dans la mythologie on a connu aussi les amours malheureuses. Pour moi, c'est un roman qui sent un peu l'essai, c'est un peu qui sent l'encre. C'est tout de même intéressant parce que évidemment elle est en train de se chercher et c'est une romancière d'ailleurs ou une écrivaine qui va prendre du temps à mûrir. Il y a des écrivains qui sont géniaux, comme François Sagan, qui se trouve tout de suite, mais ceux-là, quelquefois, ils bâclent leur écriture. Tandis qu'elle, c'est une écriture qui met du temps à trouver sa voie. Sur le fond de l'entre-deux-guerres, d'une difficulté à vivre nouvelle, puisqu'elle est devenue ruinée, en gros, c'est pauvreté, solitude, silence. Et ensuite, la Deuxième Guerre mondiale, où elle se trouve presque par hasard aux États-Unis d'Amérique. Oui, complètement, parce qu'en fait, effectivement, elle n'a plus d'argent. Elle s'est effroyablement disputée avec son demi-frère. L'héritage, évidemment, a fondu là-dedans, mais elle a aidé aussi à le fondre, parce qu'elle voyageait, elle allait dans les palaces, et elle ne peut d'ailleurs pas supporter jusqu'à la période américaine de vivre pauvre. Donc, elle n'a plus d'argent. Elle rencontre l'ami qui va être l'ami fidèle, qui est Grace Frick. Sa compagne. Qui va être sa compagne, oui, bien sûr. Qui l'invite à faire des conférences. C'est pas là où elle est le meilleur, les conférences. Mais enfin bon, elle va aux États-Unis. Pour l'instant, elle parle, à mon avis, un mauvais anglais. Et elle est là-bas. Et là-dessus, c'est la déclaration de la guerre. Et donc, elle va être bloquée. Elle comptait rester 6 mois, mais elle va rester finalement toute sa vie. Elle voulait partir vers la Grèce. Elle dit d'ailleurs, ce sont les hasards des destinées. Tout aurait changé. Je serais peut-être morte d'ailleurs, mais si Giraudoux, j'étais allé voir, m'avait autorisé à aller en Grèce. Oui, c'est ça, c'est possible. C'est peut-être sa chance. C'est peut-être sa chance. Parce qu'il fallait sans doute, toujours cette notion de distance, qu'elle prenne des distances avec la vieille Europe pour pouvoir en parler. Il y a pas mal d'écrivains comme ça qui ont besoin de ce grand recul, parfois sur une île ou parfois dans une résidence monacale, pour pouvoir écrire. On pense à votre cher Saint-Jean-de-Perse, auquel vous avez consacré une magnifique biographie, Henriette Levillain, et qui est aussi aux États-Unis au même moment. Ce qui est intéressant avec Yourcenar, c'est que jamais dans ses récits de là-bas, dans ses récits, je dirais, inventés, dans son imagination, elle n'évoque les États-Unis. Et pourtant, elle s'est associée à certains mouvements militants américains. Donc, elle n'a pas ignoré l'Amérique. Mais ce n'est pas un sujet d'imagination. Elle ne parle finalement que de la Grèce et de Rome, que de la Flandre, même jusqu'à son dernier récit, qui est pour moi un des plus beaux, qui s'appelle « Un homme obscur », qui se passe tout à fait au nord de la Flandre. Donc jamais, elle n'a considéré que l'Amérique était vraiment le support de son imagination. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Alors il faut que nous en arrivions, Henriette Levillain, aux mémoires d'Adrien, qui ont contribué grandement à sa gloire et dont la rédaction s'étale d'une période assez longue avant la guerre, et puis on le retrouve le manuscrit, et c'est après la guerre qu'elle l'écrit dans un état de passion littéraire qu'on nous a rapporté. Il faut que vous nous expliquiez ce qu'est ce livre majeur. C'est vraiment un magnifique livre. On le lit, on le relit, on saisit des passages différents à chaque fois. C'est vraiment un livre d'une densité, d'une humanité, mais aussi très, très prophétique historiquement. Bon, d'abord, elle le commence au travers d'Antinoüs. Dès que son père l'a amené à la Villa Adriana, c'était Antinoüs qui l'intéressait. Antinoüs est le favori d'Adrien et ce jeune homme de Bithynie, pour lequel il aura une telle passion que, par moments, je dirais qu'il échappe à la condition d'empereur en étant l'amant d'Antinoüs. Il a eu d'autres amants avant, mais celui-là les dépasse tous. Eh bien, écoutons cet extrait des Mémoires d'Adrien. C'est un livre donc qui est paru, je le rappelle, en 1951, et cette lecture est due à Paul-Émile Deybert de la Comédie Française, dans l'émission de Pierre Cipriot qui s'appelait « Un livre des voix » sur France Culture, le 13 mai 1977. C'est la mort d'Antinoüs. Au bord du dernier bassin, Chabrias aperçut dans le crépuscule qui tombait rapidement un vêtement plié, des sandales. Je descendis les marches glissantes. Il était couché au fond, déjà enlisé par la boue du fleuve. Avec l'aide de Chabrias, je réussis à soulever le corps qui pesait soudain d'un poids de pierre. Chabrias héla des bateliers qui improvisèrent une civière de toile. Hermogène, appelé à la hâte, ne put que constater la mort. Ce corps si docile refusait de se laisser réchauffer, de revivre. Nous le transportâmes à bord. Tout croulait. Tout parut s'éteindre. Le Zeus olympien, le maître de tout, le sauveur du monde, s'effondrèrent. Et il n'y eut plus qu'un homme à cheveux gris sanglotant sur le pont d'une barque. C'est un extrait que vous avez choisi, que je trouve vraiment sublime. Parce qu'en fait, bon, Adrien, ce sont des mémoires, donc il écrit à la première personne. Or là, toujours la distance, il se met à distance d'un chagrin qui est insupportable en parlant de lui à la troisième personne. D'autre part, dans ce livre où le ton et comme elle l'a dit, un ton togé, c'est-à-dire qu'elle a essayé de trouver quelle pouvait être la voix d'Adrien dans l'époque où il était, et la voix d'Adrien qui est un empereur, qui a donc une voix évidemment d'autorité, une voix politique. Tout d'un coup, il y a une autre voix, qui est la voix de l'aveu. Marguerite Yourcenar n'aime pas l'aveu, elle se défend de tout aveu. Vous l'avez entendu d'ailleurs tout à l'heure avec Michel. Elle n'a pas d'affection, donc elle ne veut pas avoir de chagrin et elle n'avouera jamais des sentiments qui, pour elle, sont indécents. Donc là, avec cette manière de mettre à distance son chagrin en parlant de l'homme aux cheveux gris qui sanglote, je trouve qu'on a quelque chose d'inouï parce qu'on n'y pensait pas à l'avance, qu'elle arriverait à lâcher un peu la censure, finalement, de son discours. Et dans le passage qui va suivre, il va y avoir une scansion avec Antinoüs était mort. Antinoüs était mort. Et à chaque fois, vous aurez une sorte de méditation sur ce que peut être la mort pour Adrien. C'est très impressionnant. En même temps, il va beaucoup réfléchir, évidemment, à la raison de ce suicide, puisqu'Antinoüs s'est suicidé. Et ça, c'est une des choses qui reste très énigmatique. Comme ce n'est vu qu'à travers Adrien, le lecteur doit être intelligent, il doit essayer de comprendre et d'interpréter ce que dit Adrien. Et le lecteur peut très bien comprendre que, en fait, Antinoüs a compris ce que c'était que la tyrannie de l'amour. Et Adrien, effectivement, manifeste tout au long des séquences où on le voit avec Antinoüs qu'il est un tyran. Ce livre est aussi une réflexion sur le pouvoir politique. Et j'observe que, après vous, dans votre ouvrage, Henriette Lévillain, que on peut esquisser un parallèle avec Churchill. On est en 49, on sort à peine d'un séisme qui laisse des cicatrices évidemment indélébiles. Churchill était un personnage pour lui, un homme providentiel. Et vous y voyez un modèle possible. Ben, c'est là qu'il y a eu une bascule entre le premier récit, effectivement, qui était un récit autour d'Antinoüs. Et lorsqu'elle le retrouve, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, en 46, dans cette malle, elle retrouve les quelques pages qu'elle avait écrites, qui commencent par « Mon cher Marc », qui est Marc Aurèle, puisque c'est un texte qui est écrit à Marc Aurèle, qui devrait être son héritier. Qui est le prédécesseur dans l'Empire d'Adrien. Voilà. À ce moment-là, elle réfléchit et elle se rend compte que dans le contexte de l'après-guerre, ça ne peut pas être un simple récit de la passion entre Adrien et Antinoüs. Et elle a entre les mains les mémoires de Winston Churchill et elle se dit c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est-à-dire montrer comment Adrien, dans cette période de transition romaine, a été le pacificateur. Et en fait, tout son travail d'empereur, en tout cas c'est ce qu'elle veut montrer, consiste à aller jusqu'aux confins de l'Empire romain en essayant d'être pacificateur. Il y a des échecs, en particulier le grand échec, évidemment, c'est la Judée, la Palestine, où là, il est confronté à la révolte juive et où il n'arrive absolument pas à pacifier dans le sens du mot qu'il avait jusqu'ici. Là encore, passé présent, Churchill-Adrien, sans pousser le parallèle trop loin, il est sensible. Dans la mesure, effectivement, où d'abord c'est un grand homme, et que ce soit Adrien ou Churchill, un grand homme de culture, un grand homme d'art. Adrien préfère se promener sur les ruines de l'Acropole que d'être à Rome en train de gouverner. C'est d'ailleurs un des aspects que l'on rencontre à la Villa Adriana, près de Rome, où il a rapporté toutes les formes architecturales et l'esprit de l'art qu'il avait trouvé en Grèce et en Égypte aussi. J'observe qu'on trouve dans les mémoires d'Adrien également ce que l'on pourrait appeler l'écologisme de Marguerite Yourcenar, enfin, que nous pouvons lire comme tel aujourd'hui, plusieurs décennies après sa mort. Je la cite, « Je dirais qu'Adrien a eu plus de chance que nous. Il ne pouvait prévoir ce à quoi nous assistons journellement, l'empoisonnement de l'air et des rivières, la mort des océans, la fin des espèces animales, la torture et le génocide endémique, la dégradation de cet idéal d'humanitas qu'il avait fait le sien. » C'est vrai que c'est une pensée qui va devenir obsessionnelle chez elle. Et elle va terminer d'ailleurs sa vie dans un profond pessimisme sur le monde actuel. Le mot empoisonnement est là et je pense qu'on pourrait évoquer cela sur tous les domaines. Les domaines sont empoisonnés, que ce soit l'air, l'eau, le ciel, la nourriture. Elle est très très frappée par l'écologie. Elle va d'ailleurs marcher aux États-Unis avec des petits drapeaux. Ça étonne beaucoup Pivot dans son interview pour justement l'air et la terre et l'eau et la planète. Elle dit Venise rongée par la pollution chimique, Florence sinistrée par l'effet d'une érosion contre laquelle ne lutte effectivement personne. Les 80 millions d'oiseaux migrateurs tués par an par les braves chasseurs italiens, 10 par tête, ce n'est pas si grave. Ouais. Vous voyez l'ironie, naturellement. Oui, oui. Et d'ailleurs, elle va faire son pain elle-même, le pétrir, le vendre. Ça, c'est assez drôle d'imaginer Marguerite Yourcenar avec Grace en train de vendre leur pain dans le village à côté. Il faut rappeler ce qu'est la petite maison où elle vit avec Grace pendant plusieurs décennies, petite maison sur Mount Desert Island, sur l'île des monts déserts, dans le Maine, qui est un lieu de villégiature pour de très riches Américains. Il y a des Rockefeller dans la proximité. C'est une petite maison, vous l'avez visitée, j'imagine. C'est très joli, c'est très rustique. C'est très rustique, c'est un lodge, beaucoup plus qu'une maison. Hein. C'était en bois, c'est tout entouré d'un jardin, mais même pas d'un parc, hein, d'un jardin. C'est modeste. Il y fait très froid l'hiver, d'ailleurs, parce qu'elle est très mal protégée du froid. Très chaud l'été, mais elle n'y est plus. Alors, en général, elle part pour la Grèce. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans l'interview de Pivot, qui est tout à fait remarquable, c'est qu'elle est précédée d'un passage où elle se promène dans son jardin et elle donne de la nourriture aux oiseaux, elle répand de la nourriture pour les oiseaux. Et ça donne le sentiment que c'est finalement aussi important que l'interview, ce moment-là. Je trouve ça très, très joli. Et il y a une curieuse correspondance avec Brigitte Bardot, dont elle approuve la croisade pour protéger les phoques. Oui, ça c'est un moment assez cocasse de son existence, qui fait qu'effectivement elle s'est liée avec la dernière femme au monde avec laquelle elle aurait dû se lier. La photo, je dois dire, de Yourcenar et de cette beauté qu'était Brigitte Bardot à l'époque est assez stupéfiante. Bon, vous savez que ce passage de la vie de Bardot, d'ailleurs, a été l'objet de polémiques terribles parce que au Canada, elle s'est fait extrêmement mal voir, bien entendu, par toutes les autorités politiques. Et on est même allé jusqu'à dire que le petit phoque qu'elle avait dans les mains était un phoque en fourrure, un phoque pour les bébés, quoi. Et elle l'a défendu malgré tout. Le Maine est très près du Canada, donc elle vivait ça de très près. Elle l'a quand même défendu contre ses autorités en considérant qu'elle avait parfaitement raison et que c'était justement une très belle publicité pour l'écologie et pour le goût et pour l'amour des animaux qu'elle avait. Elle défend aussi les hippies américains. Elle défend les hippies américains. Elle dit qu'elle aurait d'ailleurs été hippie si elle avait été plus jeune, ce qui est peu probable. Mais enfin bon. Venons-en, Henriette Levillain, venons-en à l'œuvre au noir, qui est l'autre massif dans l'œuvre profuse de Marguerite Yourcenar. C'est l'autre grande œuvre. Et c'est aussi l'œuvre sur laquelle, un peu comme Adrien, elle a travaillé pendant au moins 20 ans, puisqu'elle a écrit des récits qui vont être soit abandonnés, soit rattachés au roman dont La mort conduit l'attelage. Deux autres récits qui ne seront jamais publiés. Je ne sais pas s'ils existent même sous la forme de manuscrits ou si elle les a déchirés. Et donc, c'est un livre qui a demandé une énorme maturation et qui l'a amené à retourner en Flandre, d'ailleurs, pour aller dans les archives, sur les lieux, parce que ce n'est pas simplement une intello ou une cérébrale, Yourcenar, il faut qu'elle s'inspire des lieux. C'est à cette occasion qu'elle va d'ailleurs retrouver la propriété, Bruxelles, le cimetière de Suarlay, et qu'elle va à Münster en particulier, qui sera la ville dans laquelle les anabaptistes vont s'enfermer et vont être persécutés, mourir tous les uns et les autres. On est dans la Renaissance, on n'est plus dans l'Antiquité romaine. On est dans la Renaissance, bien entendu, dans cette époque de guerre de religion effroyable, où tout le monde se persécute les uns les autres. Et Zénon n'est pas pour les sectes. Zénon est un esprit libre, comme Yourcenar. Donc il va au contraire essayer de trouver entre toutes ces sectes la manière de rester libre, jusqu'au moment où il sera dénoncé pour action magique interdite. Et puisqu'en fait, l'œuvre noire, c'est ça, hein, c'est une opération d'alchimie, donc il est pour l'alchimie. Donc il va être dénoncé et mis en prison, où il se suicidera. Zénon, c'est le prénom d'un des ancêtres de Marguerite Yourcenar. Ce n'est pas une allusion au philosophe présocratique Zénon d'Élée. Ben pourquoi pas ? Je dirais que je pense que ce qu'elle aime précisément, c'est qu'il peut y avoir confusion. Eh bien, voici un extrait de l'œuvre au noir, qui est donc paru en 1968. C'est ici une lecture récente de Guillaume Gallienne et Julie Andrieux dans « Ça peut pas faire de mal » sur France Inter, le 15 avril 2012. « Vous voilà déguisé en sot, » dit Henri Maximilien, observant curieusement l'habit du pèlerin. « Oui, fit Zénon, mais j'étais là du foin des livres. J'aime mieux épeler un texte qui bouge, 1000 chiffres romains et arabes, des caractères courant tantôt de gauche à droite, comme ceux de nos scribes, tantôt de droite à gauche, comme ceux des manuscrits d'Orient. Des ratures qui sont la peste ou la guerre, des rubriques tracées au sang rouge, et partout des signes, ça et là, des taches plus étranges encore que des signes. Quel habit plus commode pour faire route inaperçue? Mes pieds rôdent sur le monde comme des insectes dans l'épaisseur d'un psautier. Fort bien, fit distraitement Henri Maximilien. Mais pourquoi se rendre à Compostelle? Je ne vous vois pas assis parmi les gros moines et chantant du nez. Ouh, dit le pèlerin, qu'ai-je à faire de ces fainéants et de ces veaux? Mais le prieur des Jacobites de Léon est amateur d'alchimie. Il a correspondu avec le chanoine Bartholomé Campanus, notre bon oncle, ce fade idiot qui parfois s'aventure comme par mégarde sur les limites interdites. L'abbé de Saint-Bavon, à son tour, l'a disposé par lettre à me faire part de ce qu'il sait. Mais je dois me hâter car il est vieux. Je crains qu'il ne désapprenne bientôt son savoir et qu'il ne meure. Il vous nourrira d'oignons crus et vous fera écumer sa soupe de cuivre épicée au soufre. Grand merci, j'entends conquérir à moins de frais de meilleures pitances. Zénon se leva sans répondre. Henri Maximilien, alors, cracha en chemin ses derniers noyaux. La paix branle dans le manche, frère Zénon. Les princes arrachent les pays comme des ivrognes à la taverne se disputent les plats. Ici la Provence, ce gâteau de miel. Là, le Milanais, ce pâté d'anguilles. Il tombera bien de tout cela une miette de gloire à me mettre sous la dent. Ineptissima vanitas, fit sèchement le jeune clerc. En êtes-vous encore à attacher de l'importance au vent qui sort des bouches? J'ai 16 ans, dit Henri Maximilien. Dans 15 ans, on verra bien si je suis par hasard l'égal d'Alexandre. Dans 30 ans, on saura si je vaux ou non, feu César. Vais-je passer ma vie à honner du drap dans une boutique de la rue Hollène? Il s'agit d'être un homme. J'ai 20 ans, calcula Zénon. À tout mettre au mieux, j'ai devant moi 50 ans d'études avant que ce crâne se change en tête de mort. Prenez vos fumées, vos héros dans Plutarque, frère Henri. Il s'agit pour moi d'être plus qu'un homme. Henriette Émile. Zénon et Henri Maximilien, c'est deux cousins. Vous voyez, ils ont 4 ans de différence, ce qui permet à Zénon de prendre un peu de hauteur par rapport à son jeune cousin. Tous les deux veulent la gloire, à leur façon. Mais celle de Henri Maximilien, je dirais, elle est bruyante, elle est de son époque, il veut être un grand soldat et un jour Alexandre. Zénon considère que ce sont des fausses gloires. Sa gloire, c'est la gloire de l'esprit, la gloire de l'intelligence, comprendre le monde. Et c'est pour cela qu'un jour, l'alchimie va évidemment l'attirer. À l'époque, il est un jeune clerc, et puis il va être médecin, alchimiste. C'est le côté alchimiste qui fera que d'ailleurs, il va être arrêté parce qu'on le soupçonne d'opérations qui sont tout à fait interdites. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils marchent tous les deux. Et dans l'œuvre noire, Zénon est un grand marcheur. Et sa marche s'accompagne toujours de longues méditations sur la vie, sur la mort, jusqu'au moment où il arrivera en prison. Et là, il va tourner en rond dans sa prison et méditer, faire le tour de la prison. C'est une des phrases très importantes chez Marguerite Yourcenar, qui laisse entendre que pour elle, finalement, partout où on est, que ce soit sur les longues routes ou que ce soit dans le cadre très étroit de la prison, comme le château de Chillon en quelque sorte, on peut toujours être en méditation, on peut toujours philosopher. Donc, pour elle, c'est à cause de cela que le philosophe est plus important que le soldat. C'est que partout où il est un homme vivant. Tandis que le soldat, finalement, n'est que dans l'action. Et Henri Maximilien, d'ailleurs, va mourir très jeune, en Italie, je crois, dans une de ces nombreuses guerres où, comme il était un mercenaire, finalement, où on vous embrigade. Donc c'est un passage intéressant parce qu'en fait il est l'annonce de ce que sera finalement la fin du livre où Zénon termine en prison et va méditer. Libre de sa mort, puisqu'en fait, en principe, on doit le torturer et le faire mourir. Mais il s'est dit qu'il valait mieux précéder ce moment-là et mourir, comme elle le dira elle-même, les yeux ouverts. Nous entendions tout à l'heure Marguerite Yourcenar évoquer l'alchimie en disant qu'elle paraissait tout à fait incongru au XIXe siècle, mais que les découvertes du XXe pouvaient lui redonner un lustre inattendu. Ce que je pense que Marguerite Yourcenar veut dire par là, c'est que on en a fini avec l'ère du positivisme. On en a fini avec l'ère de la science sait tout, la science parvient à tout et la science peut conclure. Et je pense que l'époque dans laquelle nous vivons et l'épidémie de Covid ne font que confirmer cela. On a cru vraiment que les savants pouvaient dominer tout. Et on voit que devant une épidémie qui finalement pourrait être celle de la peste, ben on est aussi ignorant que lorsqu'il y a eu la peste ou la tuberculose et qu'on ne savait pas gérer les choses. Donc je crois qu'elle a bien vu que la science est finalement fabuleuse et elle n'a pas de mépris du tout de la science, mais qu'elle est limitée. Et que l'alchimie est toujours avec l'idée que la matière peut se décomposer, que derrière la matière, il y a toujours autre chose. L'alchimie est plus dans la recherche que dans le résultat. Alors, il faut que nous terminions cette conversation, cette émission consacrée à Marguerite Yourcenar et le regard qu'elle a jeté sur le passé au profit de son œuvre au présent, en évoquant l'épisode qui a marqué, en tout cas la vie littéraire, mais pas seulement, la vie politique aussi, l'épisode de sa réception à l'Académie française, à la fin des années 70. Sa gloire a cru, elle l'a souhaité fort, elle l'a eue, devient une icône de la littérature, et la question se pose de savoir s'il va être la première femme élue à l'Académie française. Au-delà de l'histoire de cette institution, sur les sensibilités du moment, hier et aujourd'hui, l'épisode est éclairant, me semble-t-il. Ce qui est éclairant et que je n'avais pas découvert avant de faire des recherches là-dessus, c'est qu'elle n'est pas la première femme à s'être présentée à l'Académie française. Moi, je pensais qu'on avait enfin trouvé la figure qui permettait évidemment de faire entrer une femme supérieure. Donc, cela ne pouvait qu'honorer l'Académie française. Oui, mais Louise Weiss s'était présentée, mais comme militante féministe. Alors, Louise Weiss s'était présentée, Françoise Parturier, ce que je ne savais pas non plus. Et j'imagine qu'à l'époque, on écartait ça vraiment d'un revers de la main. En fait, elle a toutes les raisons d'entrer à l'Académie française. Elle a tout de même, sans mettre derrière cet adjectif quelque chose de péjoratif, un style académique. Elle écrit à la façon de Tacite, ou en tout cas avec l'esprit de Tacite ou de Suétone. Elle est d'une culture humaniste absolument extraordinaire. D'ailleurs, un de ses adversaires, Jean Dutour, dira « Elle a trop lu pour être un bon écrivain ». Voilà, c'est ça. Donc, on peut considérer, effectivement, si on prend les choses mal, qu'elle est pédante. Elle parle en plus de la littérature avec énormément de distance et de grandeur. Elle se méfie du roman. Elle cherche d'ailleurs à trouver un nom pour caractériser ses œuvres, et elle ne veut pas qu'on dise roman, parce qu'elle pense que roman, c'est une affaire, je dirais, beaucoup trop au XXe siècle, beaucoup trop futile. Donc elle a essayé de trouver, donc elle l'a appelé roman historique, mais en même temps, elle n'était pas très contente, puisqu'il y avait toujours roman. Enfin, elle s'est beaucoup fâchée avec Gallimard quand on a fait la Pléiade, parce qu'elle ne voulait pas qu'il y ait écrit œuvre romanesque. Donc c'est quelqu'un qui, quand même, est dans une disposition par rapport à la littérature qui fait sérieux. Elle a le sens vraiment de la grandeur, de la hauteur de la littérature. Il y a quelque chose d'autre part de très moral ou de moraliste derrière elle. Donc toutes ces valeurs peuvent évidemment être considérées tout à fait adaptées à l'Académie française. L'épisode éclaire un moment du féminisme. Elle est en même temps, dites-vous, elle est foncièrement misogyne. Ben, par exemple, prenez son discours. Elle dit beaucoup de femmes auraient mérité avant moi d'entrer à l'Académie française. À son discours, ben vous le voulez, ben je vous le donne et puis après vous le commenterez. Ah ben voilà. Vous m'avez accueilli. Ce moi incertain et flottant, dont j'ai contesté moi-même l'existence et que je ne sens vraiment délimité que par quelques ouvrages qu'il m'est arrivé d'écrire, le voici. Tel qu'il est. Accompagné d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres. Toutefois, n'oublions pas que c'est seulement il y a un peu plus ou un peu moins d'un siècle que la question de la présence de femmes dans cette assemblée a pu se poser. En d'autres termes, c'est vers le milieu du XIXe siècle que la littérature est devenue en France, tout ensemble, une vocation et une profession pour quelques femmes. Et cet état de choses était trop nouveau, peut-être, pour attirer l'attention d'une compagnie comme la vôtre. Madame de Staël eût sans doute été inéligible de par son ascendance suisse et son mariage suédois. Elle se contentait d'être un des meilleurs esprits du siècle. George Sand eût fait scandale par la turbulence de sa vie, par la générosité même de ses émotions qui font d'elle une femme si admirablement femme. La personne, encore plus que l'écrivain, devançait son temps. Colette, elle-même, pensait qu'une femme ne rend pas visite à des hommes pour solliciter leur voix. Je n'ai donc pas lieu de m'enorgueillir de l'honneur si grand, certes, mais quasi fortuite et de ma part quasi involontaire qui m'est fait. Je n'en ai que plus de raison de remercier ceux qui m'ont tendu la main pour franchir ce seuil. C'est un discours qui est beaucoup plus rusé qu'il n'en a l'air, parce qu'elle cite trois femmes qui, pour des raisons différentes, n'auraient jamais pu être reçues à l'Académie française, et elle oublie évidemment de citer les femmes qui, de son époque, pourraient évidemment mériter d'entrer à l'Académie française. Je pense à Nathalie Sarraute, par exemple, qui est une grande, grande dame de la littérature. Donc tout ce qui est du contemporain, pour elle, n'existe pas. Bon, c'est déjà ça, je trouve que assez amusant. La deuxième chose, c'est finalement qu'il y a derrière elle quand même le respect des institutions et du protocole, à condition qu'elle puisse un peu le manipuler. Ce que Lévi-Strauss refuse quand il dit à l'époque, il est hostile à son arrivée, on ne change pas les plumes de la tribu. Mais en fait, à sa façon, elle les a changées, puisqu'en fait, elle a modifié le rituel. Je ne donnerai qu'un seul détail qui est quand même très intéressant. Elle ne voulait pas faire son discours entre ses confrères académiciens, c'est-à-dire, comme vous le savez, c'est toujours comme ça, hein, on ne se met pas à la tribune. Elle a décidé qu'elle se mettrait à la tribune. Il a fallu accepter, évidemment, qu'elle s'y mette. Mais pas d'épée, naturellement. Pas d'épée, parce qu'elle était une femme, effectivement, et a une tenue qui était, je ne sais pas, une sorte de vestale de l'Antiquité. Hein. Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, oui. Sous la lumière des combats féministes, ses propos sont intéressants. Écoutez ce qu'elle dit à ce propos quand elle est interviewée par Jean Montalbetti. On est en 1977, c'est deux ou trois ans avant son élection à l'Académie française. C'est sur France Culture le 21 novembre 1977. Comme il y a beaucoup de femmes dans le monde, il y a beaucoup de femmes de temps en temps qui s'adressent à moi. Mais en tout cas, la plupart des femmes qui sont assez émues pour vous écrire sont très souvent dans un état qui frise d'hystérie, enfin, un état d'excitation, de confidence, de « j'ai à vous dire que », qui enlève toute portée générale à ce qu'elles ont à dire. On est affligé pour elles plutôt qu'autre chose. Et vous qui vous trouvez aux États-Unis où le mouvement féministe a été important dans les dernières années, comment réagissez-vous devant cette mobilisation ? Mais tout dépend du point de vue et du plan sur lequel on se place. S'il est question de donner aux femmes les mêmes salaires que les hommes, à mérite égal, bien sûr. S'il est question de leur laisser la liberté sur des questions qui les concernent, comme le mariage, le nom qu'elles doivent garder en épousant quelqu'un, garderont-elles leur propre nom ou prendront-elles leur nom de leur mari ? Si la question de l'abortion, de non-abortion, qui je dois dire est extrêmement complexe, selon le point de vue auquel on se place. Ça, parfait. Ce sont certainement des questions féminines qui ont été considérées d'un point de vue féminin, ou en tout cas d'un point de vue féminin aussi. Mais tous les chauvinismes me déplaisent. J'ai écrit un livre sur la révolte noire, sur l'état misérable des Noirs aux États-Unis et sur l'expression littéraire ou musicale qu'ils en ont tirée. Mais je n'ai pas du tout envie de voir s'établir un chauvinisme de la négritude. Non plus un chauvinisme du féminisme. Un chauvinisme de rien. Et je suis très souvent, si j'avais à jouer un rôle quelconque dans un mouvement féminin, je dirais d'abord, commençons par mettre en ordre notre propre maison. Tant que la femme sera la victime des producteurs et des profiteurs de la mode, tant qu'elle consentira à se faire d'elle-même une image flattée, une image de rêve, en quelque sorte, pour compenser les embêtements de sa propre vie. Tant qu'elle jouera à la fois sur les deux tableaux, le tableau de la femme libre, le tableau de la femme séduisante, rien à faire. Commençons d'abord par arranger tout ça. Cette notion de chauvinisme noir ou de chauvinisme féminin, transportée dans nos débats fécondes aujourd'hui, sonne un peu étrangement, Henriette Levillain. D'ailleurs, je vous ai vu sourire. Ce qui est amusant, c'est comment, après son élection à l'Académie française, toutes les féministes se sont emparées de cette figure en faisant une icône. Et les féministes, d'ailleurs, se trompent très fréquemment. Je connais le cas de Virginia Woolf, par exemple. Et avec elle aussi, les féministes se sont trompées en pensant qu'une femme qui a évidemment rendu sa vie totalement libre, parce que Yourcenar a été totalement libre, peut être l'icône des féministes. Elle déteste les groupes, elle déteste les sectes. L'œuvre noire que vous avez commentée en est un exemple. Donc les féministes, pour elles, sont une secte. Et ce qu'elle aime, c'est évidemment imposer sa pensée à elle. Bon, sa pensée à elle, elle ne peut pas plaire aux féministes. Vous avez entendu ce passage, c'est quand même étonnant. Bon, malgré tout, elle restera une icône parce qu'elle est la première femme à l'Académie française. Je trouve ça absolument étonnant. C'est sur cet étonnement que, hélas, nous sommes contraints, Henriette Levillain, de clore notre conversation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre beau livre qui s'appelle « Yourcenar, carte d'identité » paru chez Fayard en 2016. Je voudrais aussi citer et rendre hommage au livre de Josiane Savigno, Marguerite Yourcenar, l'invention d'une vie, paru chez Gallimard en 93, qui a été réédité depuis lors. Un livre utile ? Très utile, très très utile. Parce qu'elle a vraiment accompagné Yourcenar en la connaissant très bien et qu'elle en parle avec intérêt, respect et un peu de distance quand même, ce qu'il faut toujours lorsqu'on fait une biographie. J'ai également évoqué, chemin faisant, votre très belle biographie de Saint-Jean-de-Perse, parue chez Fayard en 2013, Henriette Levillain. Vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, trouver une bibliographie complète sur notre site, vous le savez, et les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également télécharger l'émission comme toutes celles qui l'ont précédée. Samedi prochain, nous parlerons du dimanche. Dimanche, repos toujours, point d'interrogation. Ce sera la rediffusion d'une émission du 3 janvier 2009 et je recevrai le grand historien des sensibilités, Alain Corbin. Et bien sur le fond d'une chanson d'Yves Simon, qui s'appelait Marguerite, qui remonte à 2007, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son François Rivalan et Virginie Lorda, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Hervé Evano. Et maintenant, je passe le micro, comme chaque samedi, à Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères. Portez la bivaine du printemps dans une île nommée Mon Désert. Marguerite écrit son alchimie. Les archives du Nord, son pays. Souvenir d'une archéologie.